coin du monde, ces endroits, l'enfant du plus serein. C'est ce coin du monde, l'on sait ce que c'est que la fin. Leur blessure profonde, comparable à ravin. Et tous ces pays où seuls les morts connaissent la paix. Faillite d'une utopie, la guerre passe, les silences épais. Putain de faucheuse, les femmes n'en peuvent plus de courir. La beauté de ce monde s'efface qu'on rêve de parcourir. Et moi je tourne en rond comme le globe. La rue son duck, fume des spliffs, fait le tour comme Phileas Fogg. On suffoque vu qu'on bouge pas nos blocs. Les ambiances glauques, prison sans mur, faut se taire quand tu te manges des claques. On sent minuscule, incertain, on méprise cette terre, on la fout d'un air hautain. Remplacer le soleil par spliff le matin, par l'oseille, loin du rivage, c'est mourir sans voir loin. C'est pas l'amour, mais la mort qui fait tourner le monde. C'est du P52, ma prière sur un tapis de bombe. Ça fait longtemps qu'elle est morte, la colombe, butée par le colon. Il fait qu'il y a la panse truffée de plomb. Pendant Colombia, née dans la taupe. On veut partir, mais les impôts nous brisent les côtes. Chaque coin du monde, moi j'ai traversé le frat. C'est sans passeport que passe la frontière nos phrases. Notre univers, l'HLM, on s'entretue pour un non-test. Sous sa fourgue, la mort, mon contexte, une montée de cesse. Un long texte, comment décrire, j'ai envie de fuir. Oublier le pire, se mettre ivre dans les fous rires. J'suis pas né dans un four internat sur la miséria. Chaque coin du monde, Bamako, Casablanca. Les gares se creusent entre les nantis, les démunis, Indonésie, les rues égouts, naître dans des goûts à manie, moi. J'suis du tiers-monde, continent mis dans un linceul. Toute la nuit, les tomahawks ont déchiré de ciel. Si vite sont les pertes. Bagdad, les tragédies comme l'histoire se répète. Maintenant, en ce mois d'août, tu seul, moi et mes doutes. Jenin, Palestine, y'a du sang sur ta feuille de route. Moi, Dibou, tu pointes la mer et le désert. Jamais à genoux, garde le sourire même dans la misère. En ces temps d'injustice, on bute les justes, le BIP sur ton armistice. Ketama, les champs de cannabis, et l'Asie qu'on pénètre par tous ces orifices. 86 sur la route de l'éloignement, direction bled, marque dans mon cœur à chaque moment. Aucune mélodie ne rentre à beau l'immonde. Génocide Rwanda, chaque coin du monde. C'est l'art du coup d'état qu'on nous a laissé. Pris en otage par l'OMC, ma terre est dépossédée. Bouillie à longueur de journée, marchant d'illusion. Ma cité, nos visions goudronnées. Dire qu'à l'ONU ça mène la grosse vie. C'est des gosses qu'on vise, comment ignorer ce qui se passe à Grozny. Un gosse sur quatre chez nous a le ventre vide. Charnier passé sous silence, futur morbide. Dalbeda, Brésil, y'a pas que des stars. Tu parles en rond, c'est ma mémoire d'exil. Du Sahara couleur marron, bien sûr c'est l'innocent qui claque sur ta ligne de front. Enfin soldat au Libéria, ce monde, une vaste ligne de fond. J'plane pour que ça tourne en rond. Chaque coin du monde, quand tout s'effondre, on brûle tout pour dire que nous souffrons. J'plane pour que ça tourne en rond. Chaque coin du monde, quand tout s'effondre, on brûle tout pour dire que nous souffrons. Little Comoria.